19h sur Radio Arc-en-Ciel, bienvenue d'Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien? J'imagine que ça ne peut qu'aller. Il fait beau, il fait un temps superbe et on va avoir 2 heures de musique qui vont vous décrasser les oreilles, donc tout peut aller que pour le mieux. Donc ce soir, j'aurai 4 nouveautés à vous proposer, à peu près le même nombre que d'habitude. Et puis des petites choses aussi qu'on a un petit peu laissées ces dernières semaines. Enfin, vous connaissez l'émission, bien sûr. Donc on va commencer tout de suite en live avec le live de Saxon pour célébrer leurs 40 ans de carrière, The Eagle Has Landed 40 Live, qui contient donc comme son nom l'indique 40 titres, un triple live avec différents extraits enregistrés entre 2007 et 2018 sur différentes tournées. Et on va commencer tout de suite très fort avec un morceau qu'on a tendance un petit peu à oublier, extrait de Lionheart de 2004, c'est Witchfinder General. Seven! about the demon of London sound. Les vieilles carnes de Saxon, et oui, puisqu'ils célèbrent leur 40e anniversaire d'existence par une tournée qui, j'espère, va passer par la France. À suivre. Ils vont être en date en concert prochainement en Angleterre et en Allemagne pour des concerts, à mon avis, fabuleux. Et ben, en attendant, on a eu Damon Sweeney Todd et Witchfinder General sur The Eagle Has Landed 40 Live, donc qui est sorti début août et dont on n'a pas fini d'en entendre dans Electric Shock, ça, croyez-moi. À la suite, ce sera la première nouveauté de la soirée avec un groupe que j'affectionne particulièrement. Même si au départ, je pensais que le groupe allait pas durer longtemps. Il s'agit d'un album de Black Star Riders. Alors, pour petit rappel, Black Star Riders, c'est le groupe que les anciens Thin Lizzy ont formé après en 2012, quand ils ont décidé de continuer l'aventure pour proposer de nouveaux matériels, mais sous un autre nom, sous l'impulsion de Scott Gorham. Et on a eu un album qui était très réussi en 2012. 13, si mes souvenirs sont bons, ouais, tout à fait, qui s'appelait All Hell Breaks Loose, qu'on avait d'ailleurs passé pas mal dans l'émission. Moi, je me disais, connaissant ce genre de super groupe, ça fera un album, peut-être deux dans le meilleur des cas. Enfin, en attendant, on va se régaler avec ça. Et non, c'est le quatrième, ils sont réguliers comme une horloge suisse, puisque 2013, All Breaks Loose, 2015, The Killer Instinct, 2017, Heavy Fire, et là, cette année, là, il y a 15 jours, le nouvel album Another State of Grace. Alors évidemment, dans Black Star Rider, c'est un petit peu comme dans Thin Lizzy, le line-up ça change assez souvent. Sur le dernier en date, on a un nouveau batteur, Chad j'arrive pas à le prononcer, Sledziga, voilà, qui vient de Black Label Society. Et plus étonnant, à la place de Damon Johnson à la guitare, Christian Martucci, qui est guitariste de Stone Sour. C'est un petit peu surprenant au premier abord, parce qu'on pourrait penser que c'est quand même deux univers musicaux très différents. Et en fin de compte, faut vraiment savoir que Damon Johnson et puis Jimmy DeGrasso sont partis, parce que ça n'aurait pas été marqué sur les crédits. Je dois avouer que j'aurais marché comme un seul homme. Alors, il n'y a aucune surprise, hein, si vous avez écouté les précédents, c'est du classique rock, typique comme il s'en faisait à la fin des années 70, c'est-à-dire classieux, mélodique, très puissant en même temps. Voilà, quoi. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Il n'y a pas de surprise, mais comme je vous dis, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Vous voulez qu'on s'en mette un petit coup? Et ben, on va se mettre un petit extrait de cet album. Il s'appelle, donc, je rappelle, Another State of Grace. C'est Underneath the Afterglow qu'on va découvrir ce soir maintenant. You Ça aussi, c'est la grande classe. C'était Volbeat avec un petit extrait de Rewind, Replay, Rebound, leur dernier album sorti au mois d'août. Et c'était le morceau Cloud 9. Et juste avant, la première nouveauté de la semaine, le nouvel opus de Black Star Riders, leur quatrième, Another State of Grace. Et vous avez eu droit au morceau Underneath the Afterglow. Bon, maintenant on va se faire un petit peu de furieux et pour ça on va revenir au EP de Hannibal Death Machine à bout de souffle que je vous ai présenté la semaine dernière avec un morceau dont les paroles sont vraiment d'actualité puisqu'on nous parle du cliquetis de l'argent. Non, c'est pas leur cas, mais pourtant c'est bien le titre du nouvel opus de Hannibal Death Machine. Et là, il nous racontait donc l'histoire du cliquetis de l'argent. On va changer complètement de registre, on va passer quelque chose de beaucoup plus cool, de beaucoup plus blues, de beaucoup plus jazz, tout ce qu'on veut, puisqu'on va revenir au live de Goffmule, Bring On The Music, live at the Capitol Theater, sorti pour célébrer leurs 25 ans de carrière, une carrière vraiment très riche, hein. Il n'y a qu'à voir toute leur discographie, ils ont vraiment fait dans tous les styles, mais c'est ce qui leur convient le mieux, c'est des jams à n'en plus finir. Comme par exemple ce Revolution Come, Revolution Go, extrait donc de leur dernier album studio sorti en 2017, et là, c'est en live, ni peu ni moins. Allez, Goffmule. We'll be right back. déjà 19h35 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. C'est vrai que le temps passe très très vite quand on a de la bonne musique, comme c'est le cas là à l'instant avec cette fabuleuse version live de Revolution Come, Revolution Go, extrait du live de Goth Mule, Bring On The Music, live at the Capitol Theater, sorti début juillet, et qui est là pour célébrer donc les 25 ans d'existence du groupe. Ah, après ça, waouh, que dire. Eh bien, on va se faire une nouveauté, la deuxième de la soirée, avec un groupe Barjo, ouais, c'est le mot qui convient. Un groupe qui s'appelle Magoyond. Alors Magoyond, c'est un groupe qui existe, Yond, enfin, je sais pas comment on prononce, qui existe depuis 2007, qui s'est créé de la région parisienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est un groupe à la fois de rock alternatif, metal avant-gardiste, tout ça, ça leur convient. Alors, ils ont déjà sorti deux albums, le premier en 2012. Et le dernier, bah, c'est celui-là, qui s'appelle le Crypt Show, là, qui vient de sortir. Et entre 2012 et 2019, ils ont sorti 3 EP, mais juste sous le format numérique. Alors, par contre, que dire un petit peu du concept du groupe? Eh bien, imaginez un petit peu que Christian Descamps, le chanteur déjanté de Ange, soit un grand fan de films d'horreur, de films gore, enfin, de toutes les séries B, tout ce que vous pouvez imaginer. Et en même temps, vous savez, les comics qu'on avait en pocket, en noir et blanc, quand on était petit, là, qui étaient ni plus ni moins que des retraductions des vieux EC Comics, mais mal faites, mal traduites, mal découpées, enfin voilà, mais on a tous grandi avec ça. Et le tout saupoudré de beaucoup d'humour noir, et ben voilà, ça donne donc Magoyond, voilà. Pour un petit peu décrire un petit peu à quoi ça ressemble. C'est-à-dire un truc complètement schizophrène qui part dans tous les sens. Comme par exemple le manoir de Zach Trash, extrait de Crypt Show qu'on va se envoyer maintenant. Se fit entendre. Le comte s'écroula sur le sol de sa chambre. Les convives attendent leur renommée. Le règne du maître vient de s'achever. Meurtre au manoir. Le pain de la paix agonise dans le noir. Meurtre au manoir. Les gargouilles murmurent cette sombre histoire. Meurtre au manoir. Serpents et ghouls sont rassemblés. Le sang du vampire a coulé. Mais qui a tué Zach Trash? Un cri retentit dans la nuit noire. La veuve du maudit condamne son manoir. Invités deviennent suspects. Où est l'assassin? Par qui le sang a coulé? Meurtre au manoir. Le pain de la paix agonise dans le noir. Meurtre au manoir. Les gargouilles murmurent cette sombre histoire. Meurtre au manoir. Serpents et ghouls sont rassemblés. Le sang du vampire a coulé. Mais qui a tué Zach Trash? Une déflagration se fit entendre. Le comte s'écroula sur le sol de sa chambre. L'a exterminé la race humaine. Il se suicida, allégeant sa peine. Meurtre au manoir. Le parrain de la pègre s'est éteint dans le noir. Meurtre au manoir. Les gargouilles murmurent cette sombre histoire. Meurtre au manoir. Serpents et ghouls sont rassemblés afin d'honorer le trépassé. Le vil, l'horrible comte Zach Trash. Meurtre ce terrain, près de la vieille ville abandonnée, un hangar terrifiant fut qualifié, crachant de la fumée à longueur de journée. Il y a un point dans l'univers où tout commence, où tout se perd. C'est bon pour moi, j'habite à côté, je vais songer à me sauver. On y fabrique le mal, loup-garou revenant s'éprouver, serpents et aliens décérébrés, autant d'expériences qui ont foiré. On y prépare la fin, les cerveaux travaillés sont dévoués, tel est leur contrat, ils doivent trouver ce qui fera le monde s'écrouler. Il y a un point dans l'univers où tout commence, où tout se perd. C'est bon pour moi, j'habite à côté, je vais songer à me sauver. Il y a un point dans l'univers où tout commence, où tout se perd. C'est bon pour moi, j'habite à côté de la scène. Le manoir de Zach Trash, deux extraits de Crypto. Et pourquoi deux? Eh bien, parce que c'est un double album, tout simplement, de Magoyon. Donc voilà, ça c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée. Et maintenant, on va se passer du furieux, du méchant, avec l'album Schizophrène de Slipknot, là, qui est sorti donc début août. J'imagine que beaucoup d'entre vous déjà le connaissent vraiment par cœur. Mais moi, ça fait quoi, à peine 15 jours que je l'ai reçu. Je peux vous dire que je suis encore en pleine découverte et vraiment, j'adore cet album. Et vous allez en bouffer dans les semaines qui vont suivre parce que voilà. C'est du tout bon. Un petit extrait donc de We Are Not Your Kind avec le morceau Critical Darling pour continuer dans la bonne humeur. breaking a promise I made to a version of me. Why can't I drop it and keep it away from the leeches who want to decide? Dieu que c'est bon ça, un petit extrait du dernier album de Slipknot, leur sixième We Are Not Your Kind, et c'était le morceau Critical Darling. Eh bien, on va se faire une nouveauté, la troisième de la soirée, avec un groupe qui nous vient de la région parisienne, qui existe depuis quelques années, qui fait un mélange de rock, punk, stoner, un peu alternatif, comme ça se fait beaucoup, qui s'appelle Club Bombardier. Donc c'est son deuxième EP déjà, puisque le premier était sorti en 2017. Donc ce deuxième EP s'appelle Last Words for First Move, et on va découvrir ensemble avec un petit morceau qui s'appelle How Long Is Today. wanna go, whoa. A Russian baby to be satisfied. What wanna miss? Give me a kiss. Your friends have run and passed me by. Yeah. Dog, un petit extrait de Mother Brain, le dernier album de Crobot, groupe américain dont c'est déjà le quatrième opus. Juste avant, c'était une des nouveautés de la soirée, la troisième plus exactement, un groupe qui vient de la région parisienne qui s'appelle Club Bombardier et qui vient de sortir donc son deuxième EP, Last Words, The First Move. Et le morceau de ce soir, c'était How Long Is Today. Changeons complètement maintenant, on va se retrouver à nouveau avec une légende du rock, c'est Ian Gillan. Ian Gillan qui vient de nous sortir un petit CD live enregistré en fin 2016 à Varsovie. Et pour ça, il était accompagné du Don Airey Band, donc de ce complice Don Airey avec les gars de son groupe, plus un orchestre classique. Et ceci nous a fait que nous avons sorti un album qui s'appelle Contractual Obligation No. 2, Live in Warsaw. Le No. 1 est un concert enregistré à Moscou, si mes souvenirs sont bons, et disponible en DVD. Et Saint-Pétersbourg, je crois, c'est en triple vinyle, voilà, ou l'inverse, enfin je ne sais plus très bien, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Enfin donc, sur cet album, la playlist est identique, on y retrouve beaucoup de morceaux de Deep Purple, bah, des classiques... Évidemment, si ne joue pas ça, Gillan se fait lyncher. Quelques morceaux donc de Gillan en solo, bien sûr. Et en même temps, des petits morceaux rares de Deep Purple. Bah, la semaine dernière, par exemple, on a eu Razzle Dazzle de Bananas. Et là, sur ce live aussi, là, il figure une très belle version de Anya, qui à l'origine, si vous vous souvenez, était sur The Battle Rages On, album un peu qu'on a tendance à oublier, parce qu'il s'agissait du dernier album enregistré avec Richie Blackmore, qui avait été enregistré dans des conditions quand même assez déplorables. Pourtant, quand on fait outre... On passe outre tout ça, c'était un très très bon album où il y avait des morceaux qui étaient très solides et que je trouve qu'il a très bien vieilli. Il y avait donc ce morceau qui était magnifique qui s'appelait Anya. Et d'ailleurs en concert à l'époque, Richie Blackmore, quand il était bien luné, il faisait un solo juste avant pour introduire qui était vraiment magnifique. Satriani aussi faisait du beau boulot, mais c'était quand même pas tout à fait la même chose. Et là avec l'orchestre, justement, Ian Gillan a décidé de reprendre ce morceau quelque petit peu oublié, on va dire. Et là, la version là avec l'orchestre est juste sublime. Il n'y a vraiment pas autre chose à dire. Vraiment, c'est un morceau qui mérite d'être redécouvert maintenant. Thank you. superbe, n'est-ce pas, cette version de Anya, à l'origine extrait de The Battle Reason, un album de Deep Purple qui mériterait vraiment d'être réhabilité. Et là, c'était donc Ian Gillan, accompagné de Don Airey, avec le Don Airey Band et l'orchestra. Extrait donc du Contractual Obligation No. 2, Live in Warzone. D'ailleurs, tiens, pour une petite parenthèse, si vous en voulez une version live magnifique, je vous conseille de jeter une oreille sur l'album live de Deep Purple, Stuttgart 1993. Et là, croyez-moi, vous n'allez pas être déçu du tout, même si ça n'a rien à voir avec ces arrangements qu'on a eu là ce soir. Et bien maintenant, on va faire un petit tour aux côtés de Toulouse et on va revenir ce qui était une des nouveautés la semaine dernière, les Toulousains donc de Loud Anonymity qui nous proposent leur premier album. La semaine dernière, je vous ai proposé un instrumental assez barré à la limite du dub, mais là, je pense que vous pouvez voir passer quelque chose de plus représentatif de ce qu'ils proposent, c'est-à-dire un mélange de punk, de hardcore et de metal alternatif sur leur album éponyme. Bah d'ailleurs, c'est le titre de l'album éponyme. Et là, on va se passer un petit morceau qui s'appelle Every Night. Hero of night waves, fighting reality till the bed. Odious, extrait de l'album Pale Horse du groupe Pale Horse. Ça, c'est vraiment été une découverte, un groupe qui nous vient de Finlande, dont c'est le premier opus. Vraiment, j'ai adoré et ça fait partie des coups de cœur, des découvertes, donc un groupe, à mon avis, à suivre. Juste avant Pale Horse, c'était les Toulousains de Loud Anonymity, pareil, extrait de leur premier album qui s'appelle éponyme, bah ouais, pourquoi faire compliqué, et le morceau Every Night. Avouez que le morceau, là, était quand même beaucoup plus écoutable que ce que je vous avais passé la semaine dernière. Bon, c'était une private joke, on va dire, voilà. Et maintenant, il était quand même déjà 20h17 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, Electric Shock est là jusqu'à 21h et tous les mardis soirs, bien sûr. Avec la quatrième et la dernière nouveauté de la soirée. Alors là, on va se passer un projet d'un chanteur-guitariste qui s'appelle Frank Berti, dont c'est le premier album, qui s'appelle Aqua Blues. Il est sorti au mois de mai. Bien que le monsieur, ce soit pas un inconnu sur la scène metal, c'est un artiste lyonnais. Il a joué avec des groupes comme Vital, It's the Dog, Stella Morris, Lagoon Bazaar. Ça vous dit peut-être quelque chose. Et son premier album, on va pas dire que c'est variété rock, mais peu s'en faut, il y a des choses sympas, ça chante, il a une voix agréable. Le problème, c'est que c'est assez monotone, et c'est le reproche que j'y ferai, et que d'un morceau à l'autre, on voit pas tellement la différence. Il y a que sur le morceau Robot où ça s'énerve un petit peu quand même. Et ben d'ailleurs, justement, ça va être le morceau qu'on va se passer ce soir. On va découvrir donc cet artiste avec ce morceau. Je crois que je me suis trompé de CD, je sais pas ce que j'ai fait, et oui, ça c'est l'inconvénient du direct. Ouais, j'étais en train de vous passer Paylor, je me disais, il y a quelque chose qui va pas, effectivement. Si je vous lance pas la bonne chose, ça va pas le faire. Mais là, ça y est, c'est bon, c'est parti. Frank Berti, donc, extrait de Aqua Blues, Robot. Chauffer, voir ma chine, je de nos croyances, au-delà de nos souffrances, malgré les douleurs gravées dans nos cœurs. Au-delà de nos prières, à ces dieux que l'on ne voit pas, au-delà de toutes ces guerres, de religion et de foi. Le monde est sourd, il ne va pas. Ces cris d'amour, il n'entend pas. Le monde est sourd, il ne va pas. Ces cris d'amour, il n'entend pas. Au-delà de nos tourments, c'est pour ça que le monde est sourd, il ne va pas. C'est qu'il amour, il n'entend pas. Le monde est sourd, il ne va pas. Le monde est sourd, c'est le titre du morceau de Phil Lynn et c'est également le titre de son album. Avouez que quelque part, on aurait pu croire une démo de Johnny Hallyday, hein, quelque part. Hein. Des intonations vocales, on n'en est pas très loin. Juste avant, c'était une des nouveautés de la semaine, le premier album de Frank Berti, Aqua Blues, et le morceau Robot. Continuons avec de ce qui a été une découverte pour moi de cet été, le premier album de Tanis. Alors Tanis, je vous rappelle, c'est un jeune groupe qui vient de sortir son premier album, enfin jeune groupe anglo-américain, qui est un projet parallèle de Rusty Pins, le guitariste de Seton. Et là, il a plutôt voulu plonger dans ses années de jeunesse, c'est-à-dire me ramener vraiment au début des années 70, là où on commençait à parler de hard rock. Et je pense que le garçon était très fan de groupes genre Wishbone Ash, les débuts de Thin Lizzy, ce genre de choses. Et c'est ce qu'il a voulu un petit peu refaire avec ce groupe et son premier album In Another Time, qu'on vous a déjà présenté à plusieurs reprises. Et c'est vrai que franchement, en écoutant comme ça, on aurait pu croire vraiment un album oublié, tout y est, le son, etc. Même les guitares qui manquent un petit peu de mordant, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs la première fois que j'en ai passé. Je trouvais dommage d'ailleurs qu'en 2019, on n'ait pas mis ça un peu plus en avant, surtout que je suis persuadé qu'en live, c'est vraiment le cas. Enfin bon, quand on dira, c'est comme ça. Enfin, toujours est-il que cet album se laisse écouter vraiment avec plaisir et délectation. Et ce soir, on va aller voyager sous les étoiles, puisque c'est Under the Stars. In the heart of a stranger, in the passage of Lieutenant the Storm, un extrait du deuxième album des New Yorkais de Sanhedrin, The Poisoner. À l'instant, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé de ça. Et juste avant, c'était Tanis, c'est leur premier album In Another Time, et le morceau Under the Stars. Avouez que là, on serait cru vraiment au début des années 70, hein, c'est clair. Et pourtant, ces deux albums sont sortis là au printemps dernier. Ouais, comme quoi. Continuons avec quelque chose qui est sorti cet été aussi, mais qui date un petit peu, puisqu'il s'agit du live malheureusement posthume de Soundgarden, qui a été enregistré donc en Los Angeles en 2013, Live from the Artist Den. Album testament, on va dire, voilà. Ce n'est pas avec une petite larme à l'œil à chaque fois que je l'écoute, parce que c'est vrai que Soundgarden, c'est un groupe qui pour moi avait encore beaucoup de choses à dire et à faire entendre. Enfin bon, voilà, on se contentera de ça. Et sur ce live, bah, c'est curieux, mais le premier morceau avec lequel le groupe démarre le concert, c'est Incessant Mace, qui était extrait dans Ultra Mega Hockey. C'est un petit peu curieux parce que pour commencer un concert, ce blues lent, vicieux et glauque, c'est quand même un petit peu particulier, mais c'est génial ici, on adore. Allez, on va s'envoyer ça maintenant. Yeah. Waouh, bien glauque hein, ce Innocent Maze, extrait donc du Live from the Artist Den de Soundgarden. Glauque mais génial, il n'y a pas à dire, voilà. Continuons maintenant avec du pur heavy metal, et bien pour ça on va revenir au live de Riot V Live in Japan 2018, sorti cet été en CD-DVD. Riot V, donc la nouvelle incarnation de Riot, qui là était là pour des concerts un petit peu spéciaux, les 30 ans de Thundersteel, et jouer leur dernier opus. Mais ils n'ont pas pu non plus négliger de jouer quelques-uns de leurs vieux classiques, entre guillemets, de premiers albums, par exemple, tel ce Road Racing. Well, I think we're going to take you back really far, back to 1979. Oh, racing, moving on down. Words and Tequila et Road Racing, donc deux classiques de Riot V. Oui, parce que maintenant c'est comme ça qu'il faut dire. Extrait donc du CD-DVD Live in Japan 2018, sorti au mois d'août. Et on a encore le temps de se faire un petit morceau avant de terminer. Bah oui, pour ça on va revenir au groupe franco-hollandais Spheres, qu'on vous a présenté déjà pas mal de fois. Extrait donc de ce premier album You Know. Et ben on va terminer l'émission avec Break Loose pour terminer en beauté. De Spheres, extrait de You Know, leur premier album. Voilà, c'est le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Il est 21h tout rond. Eh bien, au revoir. Merci encore une fois d'avoir été fidèle à ce rendez-vous du métal qu'est Electric Shock. D'ici, ben, je vous retrouve normalement mardi prochain si tout va bien, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal et restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bien sûr, salut à tous.